Chapitre 23e. Le lendemain de bonne heure, le pasteur et sa pastorine, assis sous le porche du presbytère, dégustaient paisiblement leur café au lait lorsque Delvig arriva au grand galop de son cheval. Impossible de lui cacher la robe de chambre et les pantoufles éculées du pasteur ou le bonnet de nuit défraîchi de la dame. Cela était fâcheux, car le régisseur était aux yeux des Manskets un personnage important. Formanskay se précipita néanmoins pour lui ouvrir la grille, exhibant une camisole et un court jupon du plus singulier effet, multipliant les saluts et les formules de politesse. « Où est Klutz ?» demanda rudement Delvig, sans autre préambule. « Oh, pauvre jeune homme, si vous saviez. Hélas, quel malheur. Il a reçu de mauvaises nouvelles. Son père. Où est-il ? Son père, dans son lit, malheureusement. On n'a que trop de raisons de craindre. « Où est Klutz ? Vous dis-je. Que diable, écoutez-moi quand je parle. C'est Klutz que je demande. Le jeune Klutz, votre vicaire. Hermanskay, un mot, s'il vous plaît. Bonjour. Où est votre vicaire ? Pauvre jeune homme. La main du Seigneur s'est lourdement appesantie sur lui. Son vieux père. Til ? Rugit Delvig. Il est parti. Par quel train ? Celui de 9h30. Il quitte notre toit à 7h par la carriole. Delvig tourna bride sans en écouter davantage, et omettant de prendre congé du pasteur ou de sa femme abasourdie, il s'élança dans la direction indiquée. Le galop furieux de son cheval faisait jaillir des étincelles des pavés. « Je te rattraperai, mon petit, je te rattraperai » pensait-il, poussant sa bête avec rage. « Que peut-il vouloir au candidat ?» s'écria Formanskay, revenant de sa surprise. « Ah, qui sait ? Un peu rude, mais le cœur est bon, n'en doutons pas. » murmura le pasteur. Il soupira, et pensif, ramena autour de ses jambes les plis flottants de sa robe de chambre. Cependant, sur le quai de la gare, Klutz attendait fiévreusement son train lorsque la lourde main de Delvig s'abattit tout à coup sur son épaule. « Hola ! Vous n'allez pas sauter hors de votre peau ? » fit grossièrement le régisseur. Klutz le regardait, effaré, blanc comme un linge. « Alors, ce pauvre herr papa est si bas que cela ?» continua Delvig, narquois. Ça vous énerve, hein ? Il y a de quoi ? Savoir son père sur son lit de mort, sur ses boulets, si j'ose ainsi dire. Que me voulez-vous ? Interrompit Klutz d'une voix tremblante. Autour d'eux, des gens qui connaissaient Delvig commençaient à s'arrêter. Eh bien, dit le régisseur, baissant un peu le ton et tenant ses yeux rivés sur la figure de l'autre, vous avez entendu parler de l'incendie de cette nuit, je pense. Tiens, à propos, je ne vous avais pas vu à la chaîne. Et vous êtes allé hier soir faire visite à Monsieur Delorme, je crois. Voyons, qu'avez-vous ? Ne faites pas cette tête, mon pauvre ami. On dirait que vous avez peur, ma parole. Si je ne savais pas que le bonhomme est malade là-bas, je pourrais croire. Ce n'est pas tout ça, mon petit. Mais je dois vous dire qu'il court des bruits singuliers. Laissez-moi, je veux partir, m'en aller. Je veux aller chez nous, à la maison, cria Klutz, égaré. « N'ayez crainte, vous partirez. Personne n'a envie de vous garder. Qui croyez-vous qu'on accuse d'avoir mis le feu, hein ?» Les yeux de Klutz parurent vouloir jaillir hors de leurs orbites. « On dit que l'homme lui-même a fait le coup, » articula lentement Delvig, ne quittant pas des yeux la face blême du jeune homme. Les oreilles de Klutz devinrent pourpres. Ses traits se contractèrent. Il tressaillit et se mit à trembler de tous ses membres, tandis que de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front. Delvig n'avait rien perdu de son agitation. « Eh bien, » reprit le régisseur, le couvrant toujours de son regard fixe, « c'est vous qui avez vu l'homme le dernier avant l'incendie. Vous êtes allé tout droit chez lui en sortant de chez moi ?» Klutz fit un signe d'assentiment. Ses lèvres desséchées étaient incapables d'articuler un son. Vous deviez l'avoir quitté depuis très peu de temps quand l'incendie a éclaté. Je l'ai rencontré moi-même près des écuries 2 minutes à peine avant la première alarme. Il est passé près de moi très vite, en se détournant comme pour ne pas être reconnu. Maintenant, vous allez me dire ce que vous savez. Dites ce que vous avez vu. Il est de notre intérêt à tous deux de lui rogner les griffes. Klutz se frappa le front de son poing fermé, puis il fixa un œil hagard sur le train libérateur qui entrait en gare. « Vous savez ce qui arrivera si vous voulez faire le généreux et l'aider à cacher son crime, » reprit l'autre. « Il vous accusera d'avoir fait le coup, vous. Oui, pour se débarrasser de vous et vous museler sur l'affaire de Miss Escort. Pour le moment, tout le monde dit que c'est l'homme. Mais pourquoi ? Interrompit Claude saletant. Pourquoi aurait-il lui-même mis le feu chez lui ? Pourquoi ? Parce que les écuries tombaient en ruine et qu'elles étaient assurées, parbleu. Il n'avait pas le premier sou de la somme nécessaire pour les rebâtir, et la compagnie d'assurance le fera pour lui. Vous ne voyez pas, grand Benet ? Le train s'arrêtait devant eux. Claude se baissa et fit un mouvement convulsif pour saisir sa valise. « Halte là, mon vieux, pas de ça !» s'écria Delvigue, posant une lourde main sur son bras. « Je ne vous laisse pas déguerpir, que vous ne m'ayez dit tout ce que vous savez. Vous ou l'homme, choisissez !» Claude jeta un regard de haine et de détresse folle à Delvigue. « Lui, lui » commença-t-il, mais il ne put continuer. « C'est lui, vous l'avez vu, de vos yeux vus. C'est lui, je l'ai vu !» Et Claude s'éclata en sanglots convulsifs. « Pauvre garçon, pauvre enfant !» éjacula pieusement Delvigue. « C'est navrant. Son vieux père à la mort, et une si grande distance entre eux, un si long voyage !» Et lui prodiguant d'une voix tonitruante, consolation et encouragement, il choisit un wagon vide, y poussa le lévité effaré et titubant, jeta sa valise derrière lui et referma la portière à toute volée en continuant à s'apitoyer sur sa triste condition. « Courage, courage !» répétait-il encore que le train était déjà hors de vue. « Son père est mourant, pauvre diable » expliqua-t-il à des gens de connaissance. « Il en perd la tramontane !» Rentré chez lui, il s'adressa en jubilant à sa femme. « Ma chère Thérèse !» Il ne la nommait ainsi que dans les grandes occasions. « Ma chère Thérèse !»« Nous n'avons plus rien à craindre du côté de Herr von Lohm. La Miss ne l'épousera pas, et il déchantera avant longtemps. »